Voici en rediffusion une émission consacrée à l'exil et l'asile dans l'Antiquité avec Maurice Sartre, une émission qui avait été diffusée la première fois le 22 septembre 2018. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Si je prends le monde grec, à partir du moment où il y a des institutions politiques, ceux qui ne font pas partie de cette forme de communauté deviennent des étrangers. Étranger, c'est pas quelque chose qui existe par nature. Hélas, en quel pays, auprès de quel mortel suis-je donc revenu? Et le divin Ulysse émergea des broussailles. Sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire, les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Et c'est depuis ce temps que Lesbos se lamente. Le vers fameux de Charles Baudelaire retrouve en modification de sens, bien sûr, mais avec force, une portée inattendue. Depuis 2 ou 3 ans, cette île grecque, Lesbos, s'est trouvée surchargée par des milliers de migrants complètement désemparés, tandis que 60 000 autres vivent dans le pays, à la fois sur les autres îles et sur le continent, dans les conditions les plus précaires. Et voici que, comme par surprise, comme par accident, le poète conduit nos interrogations et nos angoisses actuelles jusqu'à l'Antiquité. Même si, j'en conviens aisément, cet écho de hasard n'était pas indispensable pour nous inciter à nous porter jusqu'à ces temps reculés à propos de ce qu'on est convenu d'appeler la crise des migrants. Le mot de migrant n'existait pas dans la langue des Hellènes, mais il était familier de tous les vocables évoquant l'exil et l'asile, les exigences et les intérêts de l'hospitalité, tout autant que la défiance envers les étrangers et surtout envers leur arrivée en masse. C'est à ce retour en arrière que je vous convie aujourd'hui. Maurice Sartre, professeur émérite à l'université de Tours, est l'un des savants les plus complets qui ait travaillé dans ce champ, et sa familiarité avec la Grèce et la Rome antique a souvent enrichi notre émission. Avec lui, nous allons braquer ce matin notre curiosité sur des comportements collectifs et individuels dont vous allez voir qu'ils trouvent bien des résonances dans les tribulations de notre présent. Certes, nous serons comme d'ordinaire attentifs à ne pas forcer le trait quant aux ressemblances. Certes, nous allons aussi éclairer les fortes différences économiques, sociales, religieuses et peut-être d'abord culturelles. Elles sont évidemment nombreuses. Il n'empêche, vous allez voir. Moi j'ai 20 ans, en petite culotte, le sac au dos, ils ne voyaient pas de touristes. Les vieilles pierres et tout ça, je ne voulais pas les voir. Ce que je voulais voir, c'était le peuple grec. À ce moment-là, il y avait une dictature, c'était Métaxas. Alors, c'est ça qui me bouleversait. Et surtout, les gens nous accueillaient, c'est-à-dire, c'était la démonstration. C'est une leçon que j'ai jamais oubliée, qui est encore bien vivante aujourd'hui chez moi. Que quand un étranger arrive dans un village, les gens du village considèrent que cet étranger leur fait honneur. En venant là, il leur apporte quelque chose. Et c'était la dispute sur la place pour savoir qui nous prendrait chez lui. Et puis pas question de refuser, il fallait aller dans le lit du monsieur. C'est-à-dire cette hospitalité, cette ouverture, ce sentiment que voilà, dans une société qui est quand même très fermée, ben, l'étranger est quelque chose qui apporte un rayon de lumière différent. Maurice Sartre, bonjour. Bonjour. C'était donc Jean-Pierre Vernon, illustre spécialiste de l'histoire grecque, professeur au Collège de France, une histoire sur laquelle il a laissé beaucoup de travaux importants. Il a été également un très grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il évoque ici son voyage en Grèce en 1935, il est encore très jeune, et l'hospitalité, une hospitalité qui peut-être traverse les siècles. C'est un extrait de son « À voix nue » par Michel Bidlowski sur France Culture, le 9 avril 1997. Oui, cet extrait de Jean-Pierre Vernant est intéressant à beaucoup de titres, mais ce qu'il raconte sur l'arrivée d'un étranger dans la Grèce contemporaine s'est prolongé assez longtemps, et je pourrais évoquer absolument la même chose encore à la fin des années 60, dans des villages un peu perdus du pin de septentrional. Votre témoignage à vous? Oui, témoignage... Quand j'avais à peu près le même âge que lui à cette époque-là, j'étais étudiant et que je faisais une enquête pour des géographes sur les éleveurs du nord du Pinde, les gens dans ce village de nomades, en fait, de transhumants, disons plutôt, que de nomades, se disputaient l'honneur de nous recevoir et surtout de nous offrir le résiné qui allait accompagner notre repas du soir. Ce que souligne bien Vernant, c'est qu'effectivement, pour ces petites communautés isolées, méfiantes malgré tout, assez fermées sur elles-mêmes, et c'était sûrement plus le cas encore dans les années 30 que dans les années 60, l'étranger, c'est à la fois un honneur, mais c'est aussi un risque. Et en tout cas, dans l'Antiquité, c'est bien perçu comme ça. Qui est cet étranger? Que veut-il? Nous veut-il du bien ou du mal? Et donc, il y a toujours de la méfiance, et il y a en même temps le devoir sacré qui est d'accueillir, de recevoir et de bien traiter. Ce qu'on trouve déjà dans l'Iliade, où c'est un devoir sacré d'accueillir l'étranger. Nous verrons aussi dans l'Odyssée que lorsque Ulysse rentre chez lui à Ithaque et qu'on ne sait pas qu'il est Ulysse, oui, il y a à son égard des comportements qui absolument rappellent ceci. Absolument. Mais disons que les étrangers sont nombreux à se présenter dans les cités. Je crois que ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'on est dans le cadre d'un monde d'une extrême mobilité. Le monde grec n'est pas plus stable que le nôtre? Non, absolument pas. D'abord parce que l'étranger, faut pas l'oublier, il y en a partout et il commence à votre porte. L'étranger, c'est pas le barbare. L'étranger, pour l'Athénien, c'est le Thébain, c'est le Mégarien, c'est-à-dire des gens qui vivent à quelques dizaines de kilomètres de là. Donc, le monde est rempli d'étrangers pour tout le monde. Alors, pour d'une petite communauté de quelques centaines de citoyens comme des petites villes d'Arcadie, de Locride ou d'ailleurs, autant dire que le monde n'est peuplé que d'étrangers. Et donc, il y a une grande mobilité. Cette mobilité, elle est induite par des raisons qui à la fois sont parfois les mêmes que les nôtres, mais aussi des raisons un petit peu différentes parfois. On peut évoquer les colonisations. Nous verrons le mot, les exilés politiques, les réfugiés économiques et les aventuriers. Tout cela est assez contemporain aussi. C'est tout à fait le cas. On peut donner quelques exemples pour être un petit peu plus précis, si vous voulez. Je vous y invite. Il y a des raisons économiques. C'est d'abord les raisons principales. Mais ces raisons économiques, là aussi, elles sont très variables. Il y a les gens qui migrent, qui émigrent, si vous voulez, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver à tel ou tel endroit un marché plus intéressant. Si vous êtes peintre sur céramique et que vous habitez je ne sais où, il vaut mieux aller à Athènes parce que c'est là que vous allez trouver les ateliers les plus nombreux et vous avez plus de chances de trouver du travail. Est-ce qu'il y a une part d'utopie aussi? Je pense à la fameuse pièce de Jules Romain qui s'appelait Donogo Tonka, où des personnages partaient vers un monde imaginaire qui n'était pas prospères, mais qu'ils ont rendu prospères par leur arrivée même. Je crois surtout que cette mobilité économique, elle varie d'abord avec le temps. Par exemple, à l'époque archaïque, on connaît un grand nombre de sculpteurs qui vont de ville en ville et qui travaillent un petit peu partout en Méditerranée orientale, dans le monde grec. Mais comme au Moyen-Âge, après tout. Comme au Moyen-Âge, mais ils vont travailler parfois plus loin. Par exemple, en Phénicie, à Sidon, la cour du roi de Sidon a fait travailler à l'évidence des sculpteurs grecs pour sa nécropole. On en a les preuves encore avec les sarcophages à tête très très grecque du musée de Beyrouth, par exemple. Mais Donc il y a des raisons économiques. De même, vous avez des tailleurs de pierre, des architectes qui vont travailler à Suse, à la cour du grand roi ou à Persépolis. Et puis, il y a les rhéteurs, par exemple, qui vont venir très nombreux à Athènes au 5e et au 4e siècle, les fameux sophistes, parce que c'est là qu'ils vont trouver à s'embaucher. Et puis, il y a, alors, dans les raisons économiques, il y a aussi les mauvaises récoltes, le surpeuplement. C'est là où, alors, on va assister à des exils massifs, c'est-à-dire, par exemple, les gens de Terra qui décident que toutes les familles devront désigner un fils pour partir fonder une colonie en Libye. C'est la fondation de Cyrène. C'est ce qu'on appelle la sténocorie. La sténocorie, c'est le manque de terre. Hein. C'est un peu comme les Irlandais au 19e siècle qui partent vers les États-Unis ou d'autres émigrés vers l'Afrique du Sud ou vers même l'Australie. Voilà, mais avec une différence, c'est que là, c'est organisé par la cité elle-même qui décide de façon impérative que ça sera un fils par famille et pas question de revenir. Ils auront le droit de revenir, mais à condition qu'il y ait des conditions très précises qui sont mises en cas d'échec, on ne sait jamais. Mais on les tire au sort ou quand bien... quand ils essayent de revenir la première fois alors qu'ils n'ont pas réellement débarqué en Libye, ils sont installés sur une île au large, ils sont reçus à coups de pierre. On les tire au sort ou bien non, ils sont désignés par la famille. Chaque famille doit donner un fils. Voilà. Donc là, c'est un départ en masse. Mais je dis manque de terre, mais il y a aussi 7 ans de sécheresse qui ont évidemment rendu les récoltes moindres. Ça, ce sont des réfugiés climatiques ou écologiques ? Alors, on pourrait parler de réfugiés climatiques d'une certaine manière, mais là, ce n'est pas un changement climatique durable. Disons que c'est opportuniste. Les seuls vrais réfugiés climatiques qu'on pourrait trouver, à mon avis, ce sont les peuples dits barbares qui viennent d'Europe du Nord et qui poussent devant eux d'autres peuples à partir du 2e siècle de notre ère. Mais là, on est dans un autre cadre, qui est celui de l'Empire romain. Mais le refroidissement, qui est bien connu par les climatologues ou les historiens du climat, refroidissement de l'Europe du Nord pousse vers le sud des peuples qui eux-mêmes en poussent d'autres devant eux. Donc on a d'une certaine manière des réfugiés climatiques. Il y a des surpopulations comme ressort d'un mouvement, mais il y a aussi des dépopulations qui peuvent avoir un effet d'appel. Je vois que Polybe, dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, déplore que le Péloponnèse est démographiquement de plus en plus appauvri. Oui, alors en même temps, ça n'attire pas forcément des populations nouvelles. Là, il y a d'autres causes, c'est-à-dire d'une part, la perte de population, c'est les guerres, c'est des séries de crises sociales dans les cités, mais ça ne fait pas pour autant un appel d'air. En revanche, pour revenir aux raisons d'émigrer, il y a aussi des causes politiques. Elles sont importantes. Elles sont importantes, par exemple, c'est les Phocéens qui, refusant d'être soumis aux Lydiens, décident de partir en masse. Et ils vont essayer de s'installer en Corse. Ça ne marche pas toujours. Comme des abeilles. Comme des abeilles. Donc là, il faut voir qu'on a, chez les migrants, il y a deux groupes. Il y a ceux qui partent en groupe, justement, massivement, que ce soit les Téréens que j'évoquais tout à l'heure, ou les Phocéens. Mais parfois, ça peut être d'autres groupes. Il y a ceux, par exemple, qu'on appelle les Parthéniens. Les Parthéniens, c'est des enfants nés à Sparte pendant que les hommes étaient partis faire la guerre en Messénie. Et ils avaient juré de ne pas rentrer chez eux tant qu'ils n'auraient pas vaincu. Alors, qui sont les pères ? Eh bien, les pères, alors, sont des jeunes qui se sont unis aux femmes de Sparte. Enfin, il y a plusieurs versions. Et qui permettaient, parce que tout d'un coup, on a pris peur. On a dit, mais la cité, si ça continue, la cité sera dépeuplée. Et donc, des jeunes gens qui étaient encore là, qui n'étaient pas partis à la guerre, parce qu'ils avaient grandi, tout simplement, se sont unis aux femmes. Et les enfants nés de ces unions ont été exilés quand les citoyens sont rentrés, la guerre étant finie au bout d'une dizaine d'années. Fort mécontents d'avoir des fils qui n'attendaient pas. Et avec des enfants. Oui, des fils qui n'attendaient pas, mais pour lesquels ils avaient donné leur accord quand même. Mais on a préféré les exiler et ça a donné la fondation de Tarente en Italie du Sud. Donc vous voyez, là, il y a des aspects de groupe. Et puis, il y a des exilés politiques. des individus qui quittent la ville, qui migrent pour des raisons politiques, soit parce qu'ils sont en désaccord avec leur cité. On peut donner un exemple au moins célèbre, c'est l'ensemble des démocrates athéniens qui fuient les 30 tyrans en 404 et qui émigrent, les uns à Thèbes, les autres à Mégare, d'autres un petit peu plus loin. Et qui reviennent un an plus tard en 403. Et qui reviennent les armes à la main et qui rétablissent la démocratie. Mais il y a aussi des exilés politiques, si on veut, mais c'est lié parfois à des condamnations. Alors il y a des exilés temporaires à Athènes, ceux qui font l'objet d'une mesure, d'une procédure d'ostracisme. Il y a deux cas que je voudrais que vous souligniez, Xénophon et Thémistocle. Alors on peut commencer par Xénophon. Lui, c'est un départ volontaire pour désaccord avec la démocratie athénienne. C'est l'auteur de l'Anabase. L'Anabase, qui est l'histoire de mercenaires grecs au service d'un prétendant, enfin d'un jeune frère du roi de Perse, et ces mercenaires gagnent la bataille contre le frère, mais malheureusement, leur champion est tué dans la bataille, donc après, ils doivent revenir. L'Anabase. Qui était un texte supposé plus facile que d'autres, puisque on le donnait à traduire volontiers dans les classes. Tous ceux qui faisaient du grec ont commencé par l'Anabase. Et puis, lui, il était en désaccord avec la démocratie athénienne, il n'admet pas ce régime, et il est allé s'installer à Sparte, où il a été d'ailleurs fort bien accueilli. En tout cas, il y a une propriété et il y vit pendant de nombreuses années. Le cas de Thémistocle est un petit peu différent. Thémistocle est accusé finalement, ce qui est presque un comble, d'avoir été favorable aux Perses alors qu'il est le grand vainqueur des guerres médiques. Donc il fait l'objet d'une procédure d'ostracisme, il est obligé de fuir et il fuit de ville en ville. On le retrouve à Corcyre, on le retrouve en Épire chez les Molosses et puis finalement il se réfugie dans l'Empire perse. Ses anciens ennemis. C'est-à-dire chez ses anciens ennemis qui lui donnent les revenus de certaines villes pour survivre. C'est d'ailleurs pourquoi, quand Napoléon, après Waterloo, s'enfuit de France, il va interpeller l'Angleterre en lui disant « Je viens comme Thémistocle trouver refuge chez vous ». Mais la perfide Albion, comme nous savons, l'a mis sur un bateau en lui interdisant d'aller aux États-Unis d'Amérique et l'a envoyé à Sainte-Hélène. Mais qui était un territoire britannique, mais évidemment, c'était pas ce qu'il espérait. Alors, je voudrais que vous commentiez cet extrait des Suppliants d'Eschyle. Maurice Sartre, qui date de 466 avant Jésus-Christ, c'est une traduction de Paul Mazon, une réalisation de Maurice Cazeneuve du 22 juin 1950. Ce sont des femmes qui expliquent pourquoi elles ont fui l'Égypte pour rejoindre Argos et qui essayent de justifier leur venue de la manière que nous allons voir. Daigne, Zeus suppliant, jeter un regard favorable sur cette troupe vagabonde dont la nef est partie des bouches du Nil au sable fin. Loin du sol de Zeus, nous errons en bannis. Non qu'aucune cité ait porté contre nous la sentence d'exil qui paie le sang versé, mais pleine d'une horreur innée de l'homme, nous détestons l'hymen des enfants d'Égyptos et leur sacrilège démence. Et Danaos, le père qui inspire tous nos desseins, qui inspira notre révolte, a pesé tous les coups, et parmi les douleurs, choisi celle du moins qui sauvait notre gloire. La fuite est perdue à travers la houle des mers, et la descente aux rives d'Argolide, berceau de notre race. Oh, puisse ce pays, son sol, ses eaux limpides, puissent les dieux du ciel et les dieux souterrains, puisse Zeus sauveur enfin qui garde les foyers des justes, agréer cette troupe de femmes comme leurs suppliantes en ce pays ému d'un souffle de pitié. Et avant que les mâles insolents issus d'Égyptos aient foulé du pied ce sol, rejetez-les vers le large, et qu'alors dans la tourmente aux cinglantes rafales, dans le tonnerre et les éclairs, dans les vents chargés d'averses, ils se heurtent à une mer farouche et périssent avant d'avoir, malgré le ciel qui le défend, asservi la nièce d'un père en montant dans des lits qui ne les veulent pas. Eschyle, les suppliantes, Maurice Sartre, il nous faut quelques explications. Je retiendrai de ce texte trois choses importantes, me semble-t-il. D'abord, le titre de la pièce, Les Suppliantes, vous le rappelez, être suppliant, ça a un sens très précis en droit grec, c'est-à-dire c'est se placer sous la protection d'un dieu Et le suppliant qui se réfugie dans le sanctuaire d'un dieu, normalement, est totalement intouchable, inviolable. On est obligé de le protéger, quoi qu'il arrive. Alors, les Grecs ont plein de ruses, évidemment, et ont violé 100 fois cette règle du suppliant. On a vu un roi de Sparte, comme ça, muré dans son temple jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah, on l'a pas touché, bien entendu. Il était exilé, celui-là ? Oui, c'était exilé à Tégée. Pas loin de Sparte. Mais bon, et donc ça c'est la première chose. Ces femmes, elles se placent sous la protection des dieux. C'est pour le migrant, puisqu'elles sont des migrantes, on va y revenir, une protection particulière et sacrée. Qui a à peu près disparu aujourd'hui. Qui a disparu aujourd'hui, même si longtemps les églises ont été aussi des lieux de refuge, on le sait. Mais donc ça c'est le premier point. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que ces femmes expliquent pourquoi elles sont parties et elles expliquent en particulier, enfin la coryphée qui tient ce discours dit « Nous n'avons pas fui à la suite d'une condamnation ». Et parce que pour elles, évidemment, le migrant qui fuit, la plupart du temps, souvent en tout cas, c'est un condamné. On en a beaucoup d'exemples. À Athènes, on a évoqué tout à l'heure Xénophon qui est parti volontairement, mais j'ai évoqué aussi les gens qui étaient victimes d'ostracisme, qui ont été condamnés, mais avec un droit de retour. Mais il y a aussi les condamnés sans droit de retour. Par exemple, Andocide, l'orateur, lorsqu'il est condamné à la suite du sacrilège, du scandale des Hermès mutilés en 415... Alcibiade. Avec Alcibiade, il s'exile à Chypre. Et il attend 403 d'être amnistié pour rentrer à Athènes. Puis il est à nouveau condamné en 392 pour une affaire de malversation. Jetons un voile sur cet aspect de sa vie. Oui, mais c'est effectivement un cas très fréquent. Elle, la raison qui les pousse à fuir est tout autre, et tout à fait exceptionnelle. C'est qu'on veut les obliger à épouser les fils d'Égyptos qu'elles jugent grossiers et dont elles ne veulent pas. Exceptionnel, vous êtes sûr qu'il n'y a pas des cas contemporains de jeunes femmes qui aujourd'hui quittent leur pays pour éviter d'être mariées de force? On a eu des exemples au Yémen, mais on comprend que dans une grande partie du monde, et encore même au Maroc. Au Maroc, du Maroc à l'Afghanistan ou au Pakistan, des femmes peuvent fuir, ou en Inde même, pour des mariages arrangés. Mais ce n'est pas une fuite collective dans le cas, voilà, dans le cas des suppliantes. Je dirais que pour l'Antiquité, même si tous les mariages sont évidemment imposés par les pères, on n'a pas beaucoup d'exemples en dehors de celui-ci, de femmes qui fuient en groupe comme ça. Enfin, il y a aussi peu de pères qui ont 50 filles. Et qui trouve un beau-père qui a, lui, 50 fils. Oui, donc, il y a eu un déclin très marqué à cette époque. On est là dans le théâtre. Et puis, la troisième chose que je voulais souligner, c'est que l'endroit où elles veulent prendre refuge, c'est pas tout à fait un endroit innocent pour elles. C'est-à-dire qu'elles viennent pas au hasard à Argos, elles se sont pas des Égyptiennes au sens propre. En réalité, on le découvre un peu plus tard dans la pièce, elles sont originaires d'Argos au départ parce qu'elles sont des dépendantes de Io. Io, la superbe jeune fille transformée en génisse par Zeus et qui, au cours de ses migrations, Io était très commode pour ça, pour les Grecs, pour se créer des légendes, parce qu'elle était, comme elle avait erré à travers toute la Méditerranée orientale, on pouvait toujours raccorder Io à tel ou tel lieu, à Antioche, mais aussi bien au delta du Nil. C'est le droit du sang au dépend du droit du sol, non? C'est une sorte de droit du retour. Si on veut. Un peu comme quand Orban, aujourd'hui, dit aux Hongrois qui ne sont pas en Hongrie, vous restez Hongrois bien que vous soyez né ailleurs. Oui, oui, mais c'est vrai aussi d'autres droits civils dans d'autres pays. Il y a beaucoup de pays, par exemple, du monde arabe, qui conservent en quelque sorte la nationalité de leurs ressortissants, même lorsqu'ils ont émigré depuis longtemps et qu'ils n'ont plus aucun lien. Vous pouvez garder un passeport de notre pays. Voilà. C'est le passeport, en somme, que les suppliantes demandent. Et elles fondent leurs demandes sur leurs origines, en quelque sorte. Donc, de ce point de vue-là, le passage est tout à fait éclairant. Alors, vous montrez bien, Maurice Sartre, l'ambivalence de l'accueil. Il y a l'accueil dont profitait dans la Grèce des années 30, 1930, Jean-Pierre Vernant, où l'hôte, le mot de hôte, comme en français d'ailleurs, se confond et veut dire à la fois celui qui accueille et celui qui demande l'accueil. Et puis il y a évidemment des réactions très différentes. Je voudrais que nous nous attardions un instant sur le cas d'Ulysse. Homère nous montre un errant comme ça qui arrive à Ithaque comme un vagabond, même évidemment si c'est un cas assez particulier, puisque de fait il revient chez lui. Mais quand il arrive, on ne le sait pas. Oui, en fait, Ulysse, par ses tribulations, est une sorte de modèle du migrant. Alors que c'est très paradoxal, puisqu'il n'est pas du tout un migrant, il est quelqu'un qui cherche à rentrer chez lui, mais partout où il arrive, il est considéré comme un migrant. Et évidemment, il subit parfois un accueil favorable, et puis parfois l'accueil le pire qu'on puisse réserver aux migrants. Et je ne parle pas évidemment des péripéties de sa navigation. Mais quand il arrive à Ithaque, en tout cas, il est très mal reçu par le chef des prétendants à la main de Pénélope, Antinoos, qui se plaint au porcher Eumée, qui lui a eu une réaction généreuse et a bien accueilli le mendiant en disant « N'avons-nous pas assez de vagabonds sans lui et de mendiants importuns ?» Fléau des repas. Et il ajoute, si tu m'en crois, et ce sera le meilleur parti, nous jetterons ces étrangers dans un vaisseau garni de bons rameurs et nous les enverrons en Sicile où nous tirerons d'eux un prix convenable. On le renvoie et en plus on le met en esclavage pour le vendre. Oui, parce que l'étranger, par définition, c'est un sans-droit. C'est quelqu'un qui n'a strictement aucun droit. Du moins, selon les lois humaines, si j'ose dire. Mais pour compléter la citation que vous avez faite, on peut mettre en regard celle d'Eumée. Eumée, le porcher, qui n'a pas encore reconnu Ulysse, mais qui lui offre le gîte, le couvert, et qui lui dit ceci. Lorsqu'Ulysse le remercie, il lui dit « Il serait impie, étranger, de mépriser un autre, fût-il moindre que toi. Car les mendiants, les étrangers, viennent de Zeus. » Et le moindre don fait joie qui est nôtre. C'est tout ce que peut faire un serviteur. C'est une manière de dire, au-dessus des lois humaines qui ne protègent pas l'étranger, il y a une loi divine, nous on dirait peut-être une loi morale tout simplement, qui fait que on doit tendre la main à celui qui souffre et qui est dans la souffrance. C'est le principe qui anime ceux de nos compatriotes qui ont accueilli contre les lois en vigueur, les étrangers en situation irrégulière. Les propos d'Eumée pourraient être brandis dans le prétoire par leur avocat. Exactement, et je crois qu'on a, entre les propos que vous rappeliez du chef des prétendants et d'Eumée, les deux versants, en quelque sorte, de l'attitude de nos contemporains à l'égard des migrants. Je me souviens avoir entendu une fois à la télévision une dame, bon chic, bon genre, parlant des immigrés et des migrants, donc, et elle parlait pas de les mettre tous sur un bateau pour aller les vendre en Sicile, mais de les mettre dans un avion et d'ouvrir la trappe au-dessus de la Méditerranée. J'ai entendu ça de mes oreilles et je suis pas le seul. Donc, c'est pour dire que ces attitudes extrêmes se rejoignent d'une certaine manière, à la fois dans l'exécration du migrant et dans l'accueil, dans l'humanité. Même si, par exemple, lorsque Ulysse est très bien reçu chez les Phéaciens, malgré tout, Alcinoos lui dit à un moment, mais ne reste pas trop longtemps. Alcinoos, c'est le roi des Phéaciens. C'était le roi des Phéaciens. Le père de Nausicaa. De Nausicaa. Eh bien, puisque vous parlez des Phéaciens et de Nausicaa, je vous donne à entendre un extrait de l'Odyssée d'Homère. C'est une adaptation un peu kitsch, je dois dire, en faux alexandrin de Jeanne Rollin avec Michel Monti qui joue Nausicaa et Gérard Houry qui interprète Ulysse. Odyssée, Homère, Ulysse, chez Nausicaa. On est le 4 novembre 1956, je parle de l'enregistrement. À Bélos, autrefois, à l'hôtel d'Apollon, j'ai vu, même beauté, le rejet d'un palmier qui montait vers le ciel. Car en cette île aussi je fus. Et quelle armée m'accompagnait sur cette route où tant d'angoisse m'attendait. Tout comme en le voyant, je restais dans l'extase, car jamais fut pareil, il n'était monté du sol. Aujourd'hui, dans l'extase, ô femme, je t'admire. Mais je tremble, j'ai peur de prendre tes genoux. Oh, vois mon cruel chagrin. Hier, après 20 jours sur les vagues vineuses, j'échappais à la mer. 20 jours que sans arrêt depuis l'île Océane, les flots me rapportaient sous le coup des rafales. Lorsque les dieux, enfin, m'ont jeté sur vos bords, n'est-ce pour y trouver que nouvelles souffrances? Je n'en vois plus la fin. Combien de maux encore me réserve le ciel? Ah, reine, prends pitié. C'est toi que la première appétante de malheur ici j'ai rencontrée. Je ne connais que toi parmi les habitants de cette ville et terre. Indique-moi le bourg. Donne-moi un haillon à me mettre sur mon dos. N'as-tu pas en venant apporté quelques housses? Que les faveurs des dieux comblent tous tes désirs. Tu sais bien, étranger, car tu n'as pas la mine d'un sot ni d'un vilain, que Zeus de son Olympe répartit le bonheur aux vilains comme aux nobles, ce qu'il veut pour chacun. S'il t'a donné ces maux, il faut bien les subir. Mais puisque te voilà en notre ville et terre, ne crains pas de manquer ou d'habits ou de rien que l'on doive accorder en pareille rencontre aux pauvres suppliants. Vers le bourg, je serai ton guide et te dirai le nom de notre peuple. C'est à nos Phéaciens qu'est la ville et sa terre, et moi, je suis la fille du fier Alcinos, du roi qui tient en main la force et la puissance de cette Phéacie. Mes filles, revenez! Vous n'avez devant vous qu'un pauvre naufragé. Puisqu'il nous est venu, il doit avoir nos soins. Étrangers, mendiants, tous nous viennent de Zeus. Allons, femme, petite aumône, grande joie. De nos linges lavés, donnez à l'étranger une écharpe, une robe, puis à l'abri du vent, baignez-le dans le fleuve. Fille de Zeus qui tient l'égide, Athéna, exauce ma prière. Fais que les Phéaciens m'accueillent ton ami et me soient pitoyables. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Petite aumône, grande joie, que les Phéaciens soient pitoyables. On voit l'opposition aussi entre Poséidon, dieu de la mer, et Athéna, qui est la grande protectrice d'Ulysse errant. En fait, là aussi, l'extrait est très intéressant. D'abord, vous avez remarqué probablement que on parle de suppliant au tout début de l'extrait. Il arrive lui aussi en suppliant, se placé sous la protection des dieux. Évidemment, ce qui surprend Ulysse, c'est qu'il est pour une fois bien accueilli. Parce que non seulement il affronte depuis des années les dangers de la mer, il a failli couler, il y avait les sirènes, enfin il y a tout ce que vous voudrez, on connaît ces histoires. Mais on les connaît, mais il n'est pas mauvais de les rappeler, il a été mal accueilli ailleurs. Il a été souvent mal accueilli. Rappelons que chez les Lestrigons, on tue les étrangers. Et puis il y a même pire, chez le Cyclope. Chez le Cyclope, on les mange. Enfin, on se livre au cannibalisme, à l'anthropophagie. D'ailleurs, il était parti avec des centaines de compagnons, il arrive tout seul à Ithaque. Il arrive tout seul, déjà, même chez les Phéaciens, il est déjà tout seul, alors qu'on ne sait pas, on ne donne pas de chiffres exacts de savoir combien ils sont au départ, mais on voit le nombre de ses compagnons disparaître, enfin diminuer progressivement, d'île en île, de refuge en refuge. Là, pour une fois, il est évidemment méfiant. Il a débarqué, il s'est retrouvé tout nu sur une plage de cette île inconnue. Alors, quand il entend du bruit avec des jeunes filles qui approchent, il se cache. D'abord, par pudeur, il se cache avec quelques branches qu'il trouve là. C'est pour ça que Nausicaa demande à ses filles qui ont fui en voyant cet homme nu et couvert de sable et de saleté, si vous voulez. Elles ont fui, il n'y a que Nausicaa qui a osé rester. Et elle lui demande d'apporter des vêtements, de le laver, de le baigner, etc. Donc là, le devoir d'hospitalité est accompli parfaitement par Nausicaa. Et elle rappelle cette chose importante aussi, c'est que tous les étrangers, tous les migrants, tous les naufragés, ce sont aussi des envoyés de Zeus. Et il y a un Zeus en particulier qui porte l'épithète Xénios et qui rappelle en quelque sorte qu'il y a un devoir d'hospitalité. Toujours Xénia, Xénios. Xénia, Xénios. Xénos, c'est l'étranger. Mais Xénia, c'est l'hospitalité. Donc, c'est le devoir qu'on doit à l'étranger, en quelque sorte. Et ce devoir, au départ, c'est libre. Je veux dire par là que c'est une attitude que les individus choisissent, qui s'est développée et qui, peu à peu, se codifie dans les cités. Parce que si l'étranger est un sans-droit et qu'on laisse, évidemment, chacun agir envers l'étranger à sa guise, les gens vont se disputer. Est-ce qu'il y en a un qui voudra le massacrer et puis l'autre, au contraire, le prendre sous sa protection? Et c'est comme ça que peu à peu, ça serait long d'en faire l'histoire ici, mais et puis peut-être un peu trop savant, mais c'est comme ça que peu à peu se met en place... On n'est jamais trop savant ici. Non, c'était une boutade. C'est comme ça que se met en place l'institution de ce qu'on appelle les proxènes, c'est-à-dire des citoyens qui, dans une cité, sont chargés d'accueillir, de représenter en justice aussi, le cas échéant, et de protéger donc les citoyens d'une autre cité. Par exemple, un proxène d'Athènes à Sparte, ça veut dire que c'est un spartiate qui est chargé à Sparte d'accueillir les Athéniens qui sont là pour quelque raison que ce soit des raisons officielles, des ambassadeurs par exemple, qui viennent en mission, ou des Athéniens qui sont venus pour affaires, pour quelque raison que ce soit. Après tout, pourquoi pas aller en pèlerinage dans quelque sanctuaire qui leur plaît. Même quand ils sont venus pour des raisons politiques, on pourrait trouver des proxènes aujourd'hui en France qui s'occupent de près de protéger les immigrés, surtout ceux qui sont venus non pas pour des raisons économiques, mais pour respecter le droit d'asile. Sauf que chez nous, ces proxènes n'ont pas... Enfin, ces gens qui aident les réfugiés n'ont pas de statut officiel. Les proxènes, si vous voulez, ils ressemblent un peu à, maintenant c'est une institution qui n'est pas perdue, mais qui a peu d'effet, ce qu'on appelait autrefois les consuls honoraires, c'est-à-dire des gens qui étaient français mais qui sont consuls d'un autre pays, consuls honoraires de Bolivie. Mais ça existe toujours. Ça existe, oui, bien sûr, ça important. Existe. Mais je veux dire que leur rôle avec la mondialisation, avec aussi une chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on voyage avec des documents qui prouvent de manière absolue qui on est. Alors, évidemment, on peut avoir des faux documents, c'est vrai. Là, on est dans un monde où on voyage sans documents. Je veux dire qu'il n'y a pas votre photo sur un papier qui prouve que c'est bien vous et qui vous êtes. C'est encore assez vrai au 19e siècle en Europe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un phénomène récent. Mais donc, on a toujours besoin d'être identifié, d'avoir des témoins, et le proxène, il sert aussi à ça. À dire, mais oui, celui-ci, je le connais, parce que par question-réponse, on peut savoir que qu'il ne ment pas. Alors, il y a aussi des cas de supercherie, et on est très méfiant dans le monde grec. Quelqu'un qui prétend être athénien et qui a un accent de Leucade a été poursuivi en justice à Athènes parce qu'on le soupçonne d'avoir menti. Il n'est pas athénien. Alors, il explique qu'il a été prisonnier de guerre, qu'il est resté très longtemps. Autre type de migrants, les prisonniers de guerre. Il y a de grandes discussions sur des individus pour savoir s'ils sont vraiment nés à Athènes ou pas, ce qui leur donne le droit. Et au fond, ce n'est pas sans rappeler les discussions entourant la naissance du président Obama, lorsque Trump a voulu expliquer qu'il n'était pas né sur le territoire des États-Unis, qu'il était invalide et par conséquent, il n'était pas légitime qu'il devienne chef de l'État. Le cas que vous soulignez, Athènes, est particulièrement intéressant. On pense que Athènes est de loin la cité qui a accueilli le plus grand nombre d'étrangers, à la fois des étrangers grecs, mais aussi, on l'oublie trop souvent, des étrangers non grecs. On connaît à Athènes des Thraces, on connaît des Perses réfugiés, on connaît des Égyptiens, on connaît des Phéniciens, entre autres. Donc, qui le sont? Alors, il y en a qui sont là temporairement pour faire du commerce, certains Phéniciens, par exemple, mais il y en a d'autres qui sont installés. On connaît très bien, par exemple, enfin, très bien, comme on connaît dans l'Antiquité, c'est-à-dire un petit peu, des Égyptiens qui font commerce de parfums et dont on sait qu'ils sont là depuis au moins 3 générations. Donc, on peut dire des gens installés. Donc, Athènes est probablement la plus accueillante et le nombre d'étrangers qui vivent à Athènes est sans doute considérable. Si on le rapportait en proportion, c'est comme à peu près s'il y avait en France 25 millions d'étrangers, quelque chose comme ça. Donc, et on est loin du compte. Et en même temps, c'est la cité qui probablement se défend le plus. Mais il y a un lien de cause à effet. D'abord parce que les Athéniens s'estiment autochtones. Donc les étrangers peuvent difficilement s'insérer dans la longue durée. Et d'autre part, parce que ils ont, pour se protéger justement, une loi de citoyenneté extrêmement rigide depuis 451, c'est Périclès qui a fait prendre cette loi, qui oblige les Athéniens à être de naissance athénienne par leur père et par leur mère. C'est-à-dire qu'il faut que le père soit citoyen et que la mère soit fille de citoyen. Ça n'empêche pas que les réfugiés ont un certain nombre de droits, surtout s'ils acceptent le service militaire. On pourra presque dire qu'il y a des débats qui sont familiers pour nous sur le vote des étrangers. Ils ne sont pas complètement absents de la vie judiciaire, en tout cas, et même de la vie politique à Athènes. Ils ne sont pas absents du tout, parce que Athènes, mais sans doute aussi d'autres cités, on pense qu'il y a au moins une cinquantaine, peut-être un peu plus même de cités qui ont ce régime, a créé un statut particulier pour les étrangers résidents. C'est-à-dire qu'il y a les étrangers de passage, donc ça c'est autre chose, et puis il y a les étrangers résidents installés, et c'est pour les Grecs un statut très favorable, c'est le statut de métèque. Oui, là on croit en France, on voilà. Croit souvent que métèque c'est péjoratif, depuis que Charles Maurras a redonner vie à ce mot dans les années 1890. En le détournant, en fait, de son sens, en lui donnant une valeur péjorative qu'il a pas du tout dans les cités grecques. Le métèque, c'est un étranger résident dont le statut est protégé, qui a un patron qui le représente en justice, qui a donc accès à la justice athénienne, car beaucoup sont des gens qui travaillent dans le commerce. Alors, ils ont certains droits qu'ils n'ont pas. Par exemple, ils n'ont pas le droit de posséder de terre ni de maison. Mais ils ont le droit de payer des impôts, s'ils sont assez riches pour ça. Ils sont requis pour faire la guerre comme les autres, sauf qu'ils ne peuvent pas être cavaliers, c'est-à-dire les unités d'élite, si vous voulez. Et beaucoup participent à la vie politique. Mais leurs descendants n'auront jamais les mêmes droits que des Athéniens d'origine. Alors, il peut arriver, il y a des métèques qui ont obtenu d'abord le droit de propriété. Ça arrive. Mais il est vrai que dans le monde grec, à l'époque classique, la naturalisation, ce qu'on va appeler la naturalisation, c'est-à-dire de devenir citoyen de la cité dans laquelle on habite, est un phénomène relativement rare. On en connaît quelques exemples à partir de l'extrême fin du 5e siècle, peut-être lié d'ailleurs au fait que Athènes a subi une forte dépopulation pendant la guerre du Péloponnèse. D'ailleurs, on a suspendu pendant la guerre la loi de Périclès de 451. Donc on n'a plus fait attention si le père et la mère étaient bien citoyens, mais on l'a remise en vigueur dès 403. Et on a des exemples de métèques qui participent à la vie politique. Lysias, par exemple, le grand orateur, qui n'est pas du tout athénien d'origine, son père a émigré, il a ouvert une fabrique de boucliers qui marchait fort bien, et il a fui les 30 tyrans en 404, et il est rentré avec les démocrates, les armes à la main. Ça évoque un peu, au fond, ce que les mamelouks ont représenté dans le Moyen-Âge de l'islam, en Égypte en particulier, qui ont peu à peu acquis un pouvoir politique spécifique. Oui et non, parce que les mamelouks, ils en arrivent à confisquer le pouvoir et à créer un État mamelouk. Nous avions consacré une émission avec Julien Loiseau à cet intéressant sujet. Mais à Athènes, les métèques restent au contraire en marge. D'ailleurs, on pourrait citer plusieurs extraits de ce que les Grecs, les Athéniens, attendent des métèques, leur comportement. Par exemple, il y a ce très beau texte qui est tiré des Suppliantes. Et voilà ce qu'on dit d'un métèque installé à Argos, celui-ci. Cet autre, le fils de la chasseresse Atalante, Parthénopaios, l'éphèbe au cœur si beau, naquit en Arcadie. Donc Argos, il est un étranger. Il est forcément un métèque. Il vint au bord de l'Inakos, on l'éleva chez nous, dans Argos. Et d'abord, comme il sied au métèque, à sa ville adoptive, il ne causa jamais d'ennui, ni jalousie. Il n'avait point d'humeur querelleuse, qui rend odieux l'étranger et le citoyen même. Entré dans notre armée, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, comme un pur Argien, il se battit pour la cité, prenant sa part de nos succès et s'affligeant de nos revers. Là, c'est la légion étrangère. Oui, d'une certaine manière, oui. Mais sauf que c'est pas une unité à part, donc ils sont dans l'armée, quoi. Je vous ai interrompu dans cette citation. Mais j'avais fini la citation. Après, c'est pour dire à quel point il est intégré. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes recherchèrent son amour. Lui veillait à ne jamais faillir. Donc, les étrangers, les métèques, font partie de la cité. Mais ils font partie pas tout à fait. Dans une autre citation, tirée de Lysias que j'évoquais tout à l'heure, Lysias a ce petit dialogue. « Dis-moi, toi, c'est un témoin qui est là, tu as métèque ?»« Oui. » »« Est-ce pour obéir aux lois ou pour agir à ta guise ?»« Pour obéir. » Le métèque, il est là pour obéir. Il fait partie de la cité. Il y a un autre passage, je ne sais pas si j'ai sous les yeux le oui, c'est ça. Où c'est Aristophane, cette fois-ci, qui dit, Aristophane, on lui reprochait beaucoup de démolir la politique de la cité dans ses pièces de théâtre auxquelles assistaient les citoyens et les étrangers. Oui, dérision, certains ont même dit, le bébé de chaud avec plus de talent. Oui, et en tout cas, avec surtout beaucoup plus de violence. Et l'un des personnages dit, bon, cette fois-ci, Cléon, qui est le chef d'Athènes à ce moment-là, n'aura pas à m'incriminer pour avoir diffamé la cité devant des étrangers, car nous sommes entre nous. Et vous allez voir qui comporte cet « entre nous ». En ce concours des Lénéennes, donc il n'y a pas les étrangers. Les étrangers ne sont pas encore là. Les levées qu'ils nous doivent, ni en argent ni en hommes, nos alliés ne sont pas venus les fournir. Nous sommes là, entre nous, pur froment civique, rien que froment et son. Les métèques, pour moi, c'est le son. Donc on voit bien que la cité est constituée des métèques et des citoyens, mais les métèques, alors que les citoyens, c'est le pur froment, c'est la bonne farine, et les métèques, c'est le son. Et je trouve que c'est une manière de dire ils sont dedans sans être tout à fait au niveau des citoyens. L'histoire des réfugiés politiques dans cette Grèce antique, puisque nous traitons aujourd'hui, Maurice Sartre, de l'exil et de l'asile en ces temps reculés, les réfugiés politiques posent aussi la question d'un retour éventuel chez eux et la question de l'intervention des dictatures qu'ils ont pu fuir, y compris dans la cité. Comment sont-ils protégés? Y a-t-il des cas où ils sont, comme cela arrive, semble-t-il, aujourd'hui, les victimes de la vindicte de leur pays d'origine? Bien entendu, ils sont, eux aussi, victimes de la vindicte. Alors, il n'y a pas de droit particulier du réfugié politique. Mais est-ce qu'on le protège dans les Mais sites? On les protège comme on protège n'importe qui. Je veux dire, n'importe quel étranger peut se placer en suppliant. Il n'y a pas de procédure spécifique de réfugiés politiques. Il n'y a pas de cité qui dise « Ah, mais celui-ci, on ne peut pas y toucher parce que si on le renvoie chez lui, il va être condamné à mort, par exemple. » Donc ça n'existe pas formellement. Est-ce qu'il y a des assassinats comme ceux des frères Rosselli par Mussolini dans les années 30 ou Chapour Bakhtiar par l'Iran plus récemment? Oui, ou des affaires Ben Barka, il y en a des dizaines, évidemment. Alors, en fait, il y a plusieurs cas de figure qu'on peut évoquer. Donc, quelqu'un fuit sa cité parce qu'il est en désaccord politique ou il a été condamné, il fuit avant d'être condamné parfois. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas de figure, il y a d'abord parfois des conventions de non-accueil, c'est-à-dire que des cités se mettent d'accord. En général, c'est une cité forte qui impose à une cité faible, on l'a bien compris, de ne pas accueillir les réfugiés politiques venus d'une autre cité. C'est-à-dire qu'entre cités alliées, on refuse de recevoir les réfugiés politiques qui viennent de l'autre cité. Par exemple, entre les petites cités de Chéos et d'Istier, en 364, elles font comme ça un accord. Elles s'engagent l'une et l'autre à ne pas recevoir les réfugiés politiques de l'autre. Et puis, parfois, c'est simplement une cité puissante, comme Sparte, qui interdit aux Athéniens de recevoir les exilés thébains en 383. Voilà. Il y a autrement des gens qui, sous la pression d'une puissance étrangère, expulsent des étrangers. Ça, c'est le cas de Thémistocle. Ça, c'est le pire des années 1940, quand Vichy a rendu l'Allemagne pour leur mort un certain nombre de réfugiés chinois. Alors là, on ne les rend pas. C'est plutôt, on les expulse de la cité. Par exemple, lorsque les Athéniens et les Spartiates réclament Thémistocle aux gens de Corcyre, les gens de Corcyre refusent de leur donner, mais ils reconduisent Thémistocle à la frontière, ils l'expulsent et ils trouvent refuge en face chez le roi des Molosses en Épire. En attendant de son retour en Perse. En attendant de pouvoir gagner la Perse, où là il trouvera un refuge plus sûr. Et puis il y a des cas d'extradition. Il y a des cas d'extradition. On en connaît au moins 6 exemples en 3 siècles, c'est quand même pas beaucoup, mais un seul qui réussisse. C'est le cas d'un réfugié politique lydien qui avait fui d'abord à Phocée, puis à Mytilène, puis de Mytilène à Chios, puis revient à Mytilène, puis refinit à Chios. Et c'est les gens de Chios qui finissent par le livrer au roi de Lydie à sa demande. Donc violation explicite, tonitruante du droit d'asile. Tout à fait, tout à fait. Et puisqu'il y a, j'évoquais tout à l'heure des affaires Ben Barka, ce qui est le plus fréquent, en revanche, là on en connaît aussi plusieurs exemples, c'est qu'en fait on enlève tout simplement des gens qui sont réfugiés à l'étranger. Là c'est Antoine Argout ou... Oui. Vous vous rappelez ce colonel qui avait été de l'OS, qui avait été enlevé par la police française à la fin de la guerre d'Algérie ou juste après sa fin? Des enlèvements... En Allemagne. Oui, mais ça peut être, après tout, d'une certaine manière, l'affaire Eichmann. Eichmann, qui est réfugié en Argentine et qui est enlevé. C'est aussi un exemple, si vous voulez. Je défends ni les uns ni les autres, bien entendu. Vous l'avez bien compris. On ne s'y trompe et pas. On a l'exemple, par exemple, les Spartiates qui font enlever des démocrates athéniens réfugiés à Mégare et à Thèbes en 403. On en a plusieurs exemples, mais on en a d'autres exemples. Donc, il n'y a pas de protection absolue des réfugiés et aucun droit particulier ne s'attache à la qualité de migrant politique. C'est pourquoi, quand un père envoie ses filles dans un pays étranger, je reviens aux suppliantes des Chiles, il lui donne un certain nombre de conseils quant à leur comportement. Nouvel extrait des Chiles, un enregistrement du 22 juin 1950. Mes enfants, la prudence doit être notre loi. C'est en prudent pilote qu'ici vous a conduite le vieux père en qui vous avez foi. Et maintenant, à terre, ma prévoyance encore vous engage à garder mes avis bien gravés en vous. Je vois une poussière, messagère muette d'une armée. Des moyeux cris qu'entraînent leurs essieux. J'aperçois une troupe portant le bouclier, armée du javelot, avec des chevaux et des chars recourbés. Sans doute des chefs de ce pays viennent-ils nous examiner, avertis par quelques messages. Mais que celui qui conduit l'élan de cette troupe arrive ici sans intention méchante, ou qu'il ait au contraire aiguisé des instincts cruels, mieux vaut pour tout prévoir, mes filles, vous asseoir sur ce tertre consacré au dieu d'une cité. Encore mieux qu'un rempart, un autel est un infrangible bouclier. Allons, hâtez-vous, et vos rameaux, pieusement tenus sur le bras, répondez aux étrangers en termes suppliants, en disant nettement que votre exil n'est pas taché de sang, qu'aucune assurance ne soutienne votre voix, qu'aucune effronterie ne se lise dans votre regard. Enfin, ni ne prenez trop vite la parole, ni ne la gardez trop longtemps. Les gens d'ici sont irritables. Sache céder. Tu es une étrangère, une exilée dans la détresse. Un langage trop assuré ne convient pas aux faibles. Père, tu parles de prudence à des enfants prudents. J'aurai soin de me rappeler tes sages avis. Prudence, quand on est exilé. Oui, ce que Danaos recommande à ses filles rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Quand on est étranger dans une cité, même avec le statut favorable de Métèque, il faut savoir se tenir à sa place, en quelque sorte. Ce qui vous le donne le droit de parole dans une cité, c'est d'être originaire de cette cité. On en a un exemple ici, et c'est pour ça que les filles de Danaos vont expliquer à un moment que ce n'est qu'un retour dans leur patrie d'origine, puisque leur lointain ancêtre était originaire d'Argos. On en a un autre exemple dans une tragédie d'Euripide, par exemple, Ion, où c'est tout un jeu de faux-semblants, mais peu importe le détail, celui qui va avoir la royauté à Athènes croit, mais c'est une erreur de sa part, mais il croit qu'il est complètement étranger. Et il dit... si je ne trouve pas celle qui m'enfanta, la vie m'est impossible. Et s'il m'était permis de faire un vœu, puisse-t-elle être athénienne, cette femme, afin que je tienne de ma mère le droit de librement parler. Qu'un étranger entre dans une ville où la race est sans tache, si la loi même en fait un citoyen, sa langue restera esclave. Il n'a point de droit de tout dire. On rejoint exactement le propos de Danaos. Soyez modestes, vous êtes étranger, vous ne pouvez pas tout dire. Et on rejoint en somme le fameux propos de Danton au moment de la Révolution française, on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Un dernier mot, Maurice Sartre, si vous voulez bien, à propos de la période hellénistique. On a le sentiment qu'il y a déjà une sorte de mondialisation dans les limites, évidemment, de la Méditerranée et de ses alentours. Alors, la configuration change de façon complète, on va dire, autour de la Méditerranée, dans le sens où il se crée partout, sur les débris de l'Empire d'Alexandre, des royaumes hellénistiques. Mais ne nous y trompons pas, l'origine civique, le fait d'être citoyen d'une cité reste la donnée de base. Et les migrants exigent. Je vais vous donner un exemple qui est assez intéressant. Qui remonte à quand ? Qui remonte à la fin du 3e et au début du 2e siècle. Des Crétois, donc originaires de Gortyne et de Knossos, avaient été installés par les gens de Priène, si j'ai bonne mémoire, sur leur territoire. Ou exactement, pas exactement sur leur territoire, sur une partie de leur territoire, c'était le territoire d'une ancienne cité qui avait disparu, qui s'appelait Mionte. Et ils ont fait de ces Crétois des citoyens de Priène, mais installés dans l'ancienne cité de Mionte. Et puis, à la fin du 3e siècle, ce territoire de Mionte est donné par le roi Philippe V de Macédoine à une autre cité voisine, Magnésie. Les Crétois sont obligés de partir. Les gens de Priène ne veulent pas les intégrer, alors qu'ils sont juridiquement prieniens désormais. Mais on ne veut pas d'eux à Priène, pas pour rien qu'on les avait installés à l'écart. Donc ils disent, qu'est-ce qu'on va faire ? On va retourner des cités d'origine. Mais les gens de Knossos et de Gortyne ne les veulent pas non plus. Donc c'est pour dire que même dans les structures larges de royaumes, où après tout, on peut imaginer que les gens peuvent se déplacer librement, s'installer un peu comme ils veulent. C'est début de mondialisation, de globalisation. Eh bien, l'attachement à la cité, le lien avec sa patrie reste très fort et même prédomine dans les vieux pays grecs de vieilles traditions civiques. Merci beaucoup, Maurice Sartre. Cette émission est malheureusement terminée. Chacun pourra préciser à son gré les échos que l'on peut trouver dans notre vie contemporaine entre générosité, brutalité et drame. D'abord, je voudrais rendre hommage aux travaux de Hervé Duchesne, qui est professeur à l'Université de Bourgogne et qui a travaillé sur ces questions et qui a donné notamment de précieux articles dans la revue L'Histoire, dont un est à paraître en janvier prochain, un numéro qui sera consacré à Homère. Homère que nous avons croisé beaucoup dans notre conversation. Vous avez publié un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Histoire grecque » paru au Seuil en 2006, qui est une juxtaposition d'éclairages divers sur des épisodes qui parlent largement au-delà d'eux-mêmes. Tout récemment, après nous avoir donné avec Annie Fauria-Sartre un très beau « Zénobie, la reine de Palmyre », vous venez de publier aux éditions Talendier une biographie de Cléopâtre. Un autre livre à signaler, c'est celui de Marie-Françoise Basselès, L'étranger dans la Grèce antique, un livre déjà ancien mais toujours utile, paru aux Belles Lettres en 1984. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète, vous le savez, sur notre site, avec en particulier des références à des colloques très savants sur ce sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'exil et l'asile dans l'Antiquité. Vous pourrez trouver également les documents sonores que nous avons utilisés, écouter et réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Jeanne Guéroux et réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Jean-Michel Bernot, à la discothèque Nathalie Rouvillain et Véronique Jolivet pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et comme chaque semaine, j'ai tiré profit du soutien, de l'appui, des informations venues de la documentation et de la bibliothèque de Radio France. Je leur en sais gré. Vous venez donc d'entendre dernière émission rediffusée de l'été, une conversation avec Maurice Sartre sur le thème l'exil et l'asile dans l'Antiquité. Et la semaine prochaine, nous ouvrirons notre nouvelle saison avec une émission consacrée à l'histoire de la Grande Muraille avec Luca Gabbiani. Je vous la proposerai dans le cadre de la semaine que France Culture consacrera à la chute du mur de Berlin. du mur à la muraille, il y a des points communs.